Avec du recul, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Hein, parce que moi, à l'époque, je suivais Lil Wayne dès qu'il ah, bougeait moi, un bras, moi, j'étais là, tu moi. Vois. La même. Et c'est vrai que du jour au lendemain, bien qu'il arrive avec des skates. Mmh. C'est vrai que, ouais, ouais. Mais il y en a plein qui ont eu ce truc. Et après, voilà, après, comme je t'ai dit, il y en a plein qui font du skate et qui rappent aujourd'hui. Tu vois, tous, Playboi Carti, tous ces gars-là, c'est des skateurs à la base. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Mais dire que c'est des skateurs à la base, c'est déjà un grand mot. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste des mecs comme tout le monde qui pratiquent le skate. Mmh. C'est pas des skateurs. On n'a pas de. Cette étiquette, elle n'existe plus. C'est pas un statut, le skate. C'est rien, comme c'est un sport. En France, comme si le mec t'avait joué au foot, prend le ballon, joue au basket. Il va jouer dehors. Ouais, il n'y a pas de. Tu vois, on peut pas dire toi, t'es un skateur, toi, t'es un rappeur. T'es une personne avant d'être un rappeur, tu vois. C'est... À l'époque du collège, c'était pas ça. Hein. Ouais, mais c'était voilà. Toi, t'es un skateur. Parce que tu connais quand t'étais ouais. petit, tu veux absolument mettre les gens dans des catégories, dans des cases et ouais, tout. Il ouais. y avait les gothis, ouais, les skateurs, les machins. Après, t'arrives au lycée, t'as les babos. Mais c'est là, on les voit plus même, hein, les gothiques, tout ça. Moi, je les vois plus fini, dans la street. Les babos, on en voit de temps en temps avant. Non, il y a des babos, mais ils sont en training. Ouais, mais... Training de l'Ajax. Training Ajax. Training Crocs. Regarde ce que tu dis, on est... ah bah... Non, mais c'est vrai que ouais. ça a changé. Les gens, c'est dreads. Ce que je disais, tu sais, tu vas faire du skate, l'Arsenal. La plupart des mecs qui font du skate, ils skatent pas avec la chaussure avec laquelle ils vont à l'école, ou alors avec laquelle ils marchent. Tu sais, ils vont avec leur... Tu mets des chaussures trouées, tu vas pas les mettre pour... Tu vois ce que je veux dire? T'es... Mais c'est l'estate. Quand t'as un magasin d'habits, en fait, c'est là tu vois le comment évolue la société, en vrai. Comment sont. Mais tu sais pas, tout à l'heure tu me parlais des poseurs, mais la dernière fois que je suis venu, il y avait la petite là qui est venue, qui est rentrée, elle avait un bête de style, mais oui. elle tenait son skate. Ben oui. Donc en fait, c'était que du fake en fait. Mais tu le vois, tu reconnais. Ah là là. En gros, regarde, je vais te donner le truc automatique. Comment tu vas reconnaître un vrai ou pas un vrai skater? Regarde comme ça va être tout simple. Les chaussures. Déjà, les chaussures, il faut qu'elles soient un peu abîmées, trouées. Ouais. Ça, c'est un vrai skater. Et il faut que le skate, il faut qu'il n'y ait plus de dessin en dessous. Okay. Si le dessin, il est nickel, ça veut dire que... Ouais, il ride, il slide pas. Il slide pas, c'est grillé. Ah, mais Lil Wayne, en fait, là. Il a tout le temps des skates tout neufs. Tu comprends pourquoi? C'était marrant, en fait. On se disait, voilà, le gars. Ah, mais après, pour un clip, il est obligé de mettre un skate. Non, absolument pas. Fais un effort. C'est le détail qui fait que c'est pas crédible. Ah, le bâtard. C'est grillé, tu vois. C'est... Ah, je vais reprendre les clips de l'époque. Non, il y en a plein. Il y a plein de petits codes comme ça. Mais après, ça veut rien dire. Parce qu'en vrai de vrai, c'est dur de faire du skate. Donc, tu vois, il y en a plein. Ils l'achètent. Ils veulent faire du skate. Ils veulent absolument. Ils tombent une fois dur. Après, ils veulent plus remonter dessus. Et moi, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont traumatisés. Du coup, ils le prennent soit juste pour se balader. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, c'est pas pratique de se balader avec un skate dans la rue avec les pavés et tout à Besançon. Donc, du coup, ils l'ont le plus souvent sous le bras. Et un vrai skateur, Bessif, il va rouler. Sur les pavés ou sur ce que tu veux, ça avance. Top. Tu l'entends arriver depuis l'autre bout de la grande rue. Ouais, voilà. Tu le vois arriver à fond. Sinon, un mec qui va la tenir comme ça, c'est qu'il skate pas. Okay. À part s'il est avec sa daronne, sa meuf ou je sais pas qui marche. Mais après, voilà, tu peux pas. C'est-à-dire que s'il marche comme ça avec la planche et l'abîmée, c'est bon. Je sais pas. Ah, moi maintenant. Ça se trouve, c'est la planche de son grand-père. Maintenant, je vais valider les mecs avec les planches. Je vais regarder, je vais faire mon petit test. Ouais, voilà. Regardez, je vais petit. Dire. Ça se voit. Les chaussures. Chien, tu es menteur. Menteur. Tu ne la fais pas, nous. Yes. Et écoute, voilà. pour revenir au shop, du coup, on parlait des événements et après, on te laissera tranquille. Ouais. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as des projets pour le magasin? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être ouvrir un autre magasin serait une idée? Est-ce que agrandir? Est-ce que. Ça, c'est des idées auxquelles j'ai. J'y pense tous les jours, mais les circonstances, c'est toujours les mêmes. Hein, si tu changes de boutique, tu prends plus grand, ça veut dire qu'il va falloir des employés, il va falloir payer plus cher, il va falloir gérer tout ça et puis faire attention, tu vois ce que je veux dire. C'est très important de trouver des gens et puis c'est dur de trouver des gens qui s'y connaissent. Fares, je fais partie de Def Jam Besançon. Ah ouais, le directeur, PDG, tout ça. Lourd, tu veux. Tac, je viens, je te pose 2 millions sur la bleuta. Je te le vends direct. Non. Il a même pas cherché. Non, on parle pas de vente. Tu restes dedans, mais qu'est-ce que tu vends? Vas-y, tu fais que des survettes. Ouais. Tu y vas ou pas? Mais le skate, il y a que des survettes aujourd'hui. Non, mais des survettes de foot. Non, mais il y a des c'est les mêmes. J'ai Ella, c'est que des survettes. J'ai Adidas, c'est que des survettes. Okay. J'ai toutes ces marques-là, font que des survettes. Et les skateurs aujourd'hui, mais que des survettes. Ok. Mais c'est un sport. Ils ont compris que dans un survette, tu pouvais faire, t'étais libre de tes gestes. Okay, et qu'un jean, ça bloque. Mm-hmm. Du coup, tout le monde est en survette. Il y a plus de code. Par contre, quand tu tombes et que tu te brûles, ouais, c'est mieux un jean. Le jean, ouais. Ouais, mais le jogging, c'est le bien. Ça, le molleton, pas le survêt Costa, le molleton plus Nike, Under Armour, tu vois le délire, le truc gris, old school, plus ça, c'est parfait. Du coup, t'as eu ta réponse non, ou quoi? Non. Le speed, en fait, dans le skate, c'est qu'il n'y a pas de style, déjà. C'est que tu peux mettre des slims, tu peux être dans le délire rock, tu peux kiffer la sap à l'italienne. Tu vois, tu peux kiffer le truc un peu anglais, Fred Perry, machin. Tout ce qui est en costume. Ça se fait. Il y en a. Skateur en costume. Bien sûr. Il y en a tout le temps. Incroyable. Et tu kiffes t'habiller en large. D'avoir un petit style G vraiment avec des hauts G-Unit, j'en sais rien. T'as de tous les skateurs. G-Unit. C'est ça le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, le truc, c'est d'aller contre les codes. Le skateur, c'est le spécialiste de ça. Si. Ok. C'est tout. Eh ben merci pour toutes ces réponses qui ont éclairé ma vision. Ouais, parce que là, c'est ce que je te disais, moi je connais rien au skate. Non, moi, j'ai vu le skate. Moi aussi dit. Je me suis tué à Tony Hawk, tout ça, mais ça m'a pas les fait majors, plus connaître les, le skate. Les marques ça, majeures dans le skate, c'est Nike, Adidas, Converse et Vans. Voilà. Yes. Donc toutes les marques de skate qu'il y avait à l'époque, tu vois, genre Ethnies, America, tous ces trucs-là, Globe, même DC, ils reviennent un peu, mais... C'est pas encore ça, tu vois, c'est des groupes en fait, ils ont acheté des gros groupes, du coup ils produisent pareil que les autres marques. Genre DC, tu vois, c'est Quicksilver. Okay. Un t-shirt DC, c'est un t-shirt Quicksilver. Tu vois le délire DC. Et aujourd'hui, une Converse, c'est Nike. Tu rentres dedans, tu regardes dans la Converse, tout est strippé Nike. Moi, je reçois des mails de chez Nike, pas de chez Converse, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils produisent tous au même endroit selon leur groupe, tu vois ce que je veux dire. Okay. Donc, ces marques-là, elles sont fait larguer par les majors. Tu peux pas apprendre à Nike ou Adidas à faire des chaussures. Vois, ils sont arrivés, ils ont mis leur technologie, ils ont baissé le tarot, et ils sont tous disparus. Hein, okay. Et aujourd'hui, c'est. Je sais pas, ils font. Toutes les collections, c'est les mêmes, ils font tous pareil, tu vois bien comment c'est. C'est la mode, elle est pour tout le monde en fait, c'est la même. Il n'y a plus de skateurs, de machin. Tu vois, tout le monde veut des requins, tout le monde veut des Jordan, tout le monde veut des Air Force, tout le monde veut des. Et toutes ces paires-là, ils les font dans le skate. Ils font des Nike SB Jordan, ils font des Nike SB Air Force, ils font des Nike SB... Tu vois ce que je veux dire? Et Adidas, ils font des Adidas Gazelle Skateboard, des Adidas Compu Skateboard, des Adidas Samba. Tu vois, il n'y a plus de code. Okay. On veut tous la même chose. On veut que le bon. Donc, sauf qu'avant, on ne savait pas ce qui était bon. Donc du coup, on était attirés par ce qu'on ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, on sait ce qui est bon, c'est validé. On a le téléphone qui te dit la vérité. Tu vois tout, tu sais tout. Tu vois, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune. Tu vois, je viens d'un quartier à Belfort, tu vois. Petit big up à tous mes potos des résidences. Hein. RZD, c'est ça. Et moi, par exemple, on attendait qu'il y ait mon gros Zincou, qui est là à Paris, à l'époque, qui revenait avec une paire de requins. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens comme c'était hier, la première fois que j'ai vu des requins. Mais c'était comme si je voyais de l'or, frère. Tu vois ce que je veux dire? La première, je la vois, je la touche, c'était pas possible. Ça coûtait à l'époque 1200 francs. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y avait qu'un footlocker. Il était à Châtelet. Oui. Dans toute la France. Après, on a eu un autre à la gare de Lyon. Et après, ils en ont ouvert un autre. C'était où? C'était pareil à Paris, dans une gare. Et ces mecs-là, ils revenaient déjà à l'époque. Et tout le monde leur donnait des billets pour ramener ses paires. C'est quoi? Ils repartaient avec des sommes. Tu pètes un câble. Il y en a un possible. Par quartier, hein, de mecs comme voilà, ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? comme dans la haine, ça l'appelle Darty. Ben, c'est tu vois ça. Ce que je veux dire? Mais, ça, mais tu vois, ce truc-là, ça a disparu. Ça arrivera plus jamais. Bah oui. Plus jamais. Ouais, c'est terminé. Ouais. C'est une page qui est fermée. Et c'est plus possible. Tu vois, aujourd'hui, avec ton téléphone, tu sais tout. Alors qu'avant, tu devais attendre qu'il y en ait un qui aille là-bas. Et quand il venait de là-bas, avec sa paire de requins, qui revenait avec. Tu vois, la doudoune, Nelly Hansen ou Columbia ou je sais pas quoi, parce que pour que ça arrive ici, il faut vraiment que ça passe par un chemin. Tu le voyais le truc. C'était tout le monde pareil, tout le monde était content. Sauf qu'aujourd'hui, les marques, c'est là où elles ont été fortes, c'est qu'elles ont réussi en moins de 10 ans à faire un truc de fou sur nous. Tu vois, c'est que du marketing, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Bonne analyse, hein. Trop, bonne analyse, hein. Bah, oui. Mais c'est vrai, moi, ce que j'ai retenu dans cette histoire depuis que je travaille là-dedans, c'est que moi, le premier, hein, c'est qu'on est tous leurs pigeons. Faut juste l'accepter, hein. Faut juste l'accepter. Ça sert à rien de lutter. Et ça sert à rien de lutter, en vrai de vrai. Faut pas se dire, tu vois, on est... si tu kiffes la sable, tu kiffes la marque, tout ça, tu sais que t'es leur pigeon. C'est tout. Et que tu vas picorer toute ta vie. Eh ben, en tout cas, à Besançon, si tu kiffes la sable. Mm-hmm. Si et la plupart des gens qui sont derrière ces marques, ils s'en battent. Je te jure. Comment ça? Ils sont pas du tout stylés, ni sapés. Ah, okay. Ils en ont rien à faire. Tu consommes pas ta drogue, gros. Ils sont pas, tu sais quoi, mais vraiment pas, tu vois. Vraiment pas. Ils sont loin de tout ça. Yes. Ouais, ils préfèrent. Tu vois, le mec de chez Converse, il a sa Converse depuis 2 ans, ma parole, mais par contre, il a tout le temps des nouvelles montres. Tu vois le délire? Ils sont dans un. Oui, c'est pas. Non, ils sont passés à autre chose. Ouais. C'est ça le truc. C'est pas sa cam. Non. Alors que ça l'était à la base, tu vois. Mais c'est comme moi. Moi, aujourd'hui, moi, tous les habits, je les vois comme des chiffons entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'en ai tellement vu, tellement de collections, tellement de trucs. Tellement que moi, je fais plus attention. Je vois ça comme du travail, du vrai. De la quantité. Je vois plus ça comme des habits en soi. Et plus rien trop m'étonne non plus, tu vois. Ça fait 15 ans que je travaille là-dedans. C'est ça le truc. Mais tout le monde, ça arrive. C'est comme tout le monde. Tu regardes les darons, c'était stylé plus jeune. Ouais, il fait la sape et tout. Hein. Ils étaient comme nous. Sauf qu'arrive un moment, tu sais, tu passes à autre chose. Tu dis tout ça. Ouais, c'est de priorité. Et puis voilà, tu vois. Yes. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, ça perdure. Et le daron d'hier, il écoutait pas Booba et puis compagnie. Du coup, ça joue beaucoup, ça aussi. C'est ça qui est bon. Ok. Eh ben, en tout cas, Molly, Fares, merci pour toutes tes réponses, pour tout ce que tu as pu nous apporter ce soir. Je tiens à souligner que tu es le premier gars, sapologue, on va dire, je sais pas comment dire, sapeur-pompier. Tu es le premier magasin à venir dans l'émission. Ah, ça, genre Fares, c'est un grand plaisir. Tu es le premier magasin voilà, à être avec nous, donc grand merci d'être venu. Nous, c'est ce qu'on disait, culture urbaine au sens. Ah, c'est cool, c'est bien, large. C'est bien. C'est donc, ce qu'on on partage les mêmes idées, les mêmes valeurs. Donc, big up pour ce que tu as entrepris, que ce soit avec le shop ou avec Sirocco Skate Club, tout ça, franchement, c'est lourd. Et puis, voilà, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui aiment la SAP, qui aiment cet univers-là, skate et autres, d'ailleurs, n'hésitez pas à passer au magasin Rue Berceau, tout au fond de la Rue Berceau. C'est ça. Ouais, est-ce que je peux choisir le son de la fin? Vas-y, tu vois. Ouais, c'est Wiz Khalifa et Taiga. Wiz Khalifa et Taiga. Ouais. Allez, on va te le mettre parce que tu l'as bien mérité, t'as bien travaillé aujourd'hui. Je refais juste un petit big up vite fait à mon petit Gabin, Gabinche sur Instagram. C'est le petit jeune que vous voyez sur nos vidéos. Pop, le temps là, il est présent, il est trop chaud, il est trop chaud. Bambi, il est trop fort. T'as dit quoi? Non, lui c'est Gabin. Lui. Gabin. Ah, Gabin, ok. Gabin, avec deux A. Pop. Non, il a eu une hallucination, le mec. Bon, alors le son de la fin, dis voir. C'est Wiz Khalifa, Taiga, Molly. Ah, t'es génial. T'es génial. Ah, c'est lourd. T'es génial. Lourd, ok, on va finir cette émission sur Molly. Sur Molly de Wiz Khalifa et Taiga. Et pour les auditeurs qui ont loupé tout ce qui était réseau, vous pouvez retrouver Molly et tout ce qui concerne le shop, donc sur Instagram chez Molly, sur Facebook Molly, le site internet chezmolly.co, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, voilà, n'hésitez pas à aller aussi directement au shop 60 rue Berceau à Besançon. C'est tout bon, le mot de la fin, je te le laisse Fares, si t'as envie de nous envoyer un petit truc comme ça, une petite dernière punchline. Bleu. Merci à tout le monde, merci à vous, ça fait plaisir d'être là. Puis j'espère qu'on se reverra sur la fête de la musique. Yes, hein, yes. Ah, voilà. C'est un petit projet ça, yes. Ah, il y a le temps, hein. Très bien, on très bien. On a faire les choses bien. Yes. Puis voilà, gros big up à tous mes clients. Hein. Heureusement que vous êtes là. Et puis parlez de moi autour de vous. Parlez fort. Ça donne de la force, ça fait plaisir. Partagez un max pour la 25e et puis chez Molly. Yes. Easy. Merci Boto. 9-2. Là, je regarde là sur la page Instagram, les modules ils sont bien. All of my dollars, I'm everywhere, it's popping. Can't fall in love, I got options. I'm high school, that's college. King gold chains, that's Notre Dame. That green, yeah, I got it. I show up in the party, like where the fuck that Molly? OD, well, OGs, we don't fuck with no police. I'm too fly to be low-key, them 24-inch Kobe's. All black, that's Jodeci. She give me pussy, that's Josie. Broke nigga, stop begging me, cause that's the shit that I don't need. I'm swerving, I'm driving, ain't got time to be tired. I'm super turned, don't try me, killing your mind off and fucking your body. Bitch wanna flick, post for my posse, got too much shit to worry about gossip. I'm on a bad trip, and I can't seem to find Molly. Molly. Radio Sud. Radio Sud. Visage à la lune, un sourire au diable. J'ai commis des fautes et j'ai fait face à l'orage. Seul dans la vallée, tant que va durer l'année. Je connais le bruit du charbon, je connais la vie dure. À tout à l'heure. Mon sac est plein de thunes, en s'alliant ces villes, c'est pas contre nature. Des fous rires aux larmes, des peines à la joie. Mon flingue me rassure, et j'attends que se lève le jour. Sur le rivage, mes potos sont qui parlent. Au son des guitares, guitares, rappelle-toi. Sur le rivage, je crois en mon bel état. Mourir, du vent sur la dune, porté par le sable, violent donc sanguinolent. Pour gagner à terre, ils veulent voler la terre. Je connais ma tête, je me suis réveillé millionnaire. Des millions d'amis, des millions d'ennemis. T'as tout fait pour y être, on a tout fait pour partir. Je connais ma bande, on veut tenir le center. C'est tout pour la bande, laissez-moi partir. Sur le rivage, mes potos sont qui pas. Où sont des guitares, guitares, rappelle-toi. Hey, sur le rivage, je crois en mon bel état. On a quitté l'école, tout pour le gold. Pire que l'enfer, pire que le pire, sous prométhazine. Tout n'est pas plus facile. Si la chance va me sourire, je veux pas tellement savoir. Je portais mon fardeau, je portais mes soucis. Tu sais d'où je viens, c'est hard. Tu n'as qu'à tenir ma main. Les torrents, les avalanches, tant que mon ego va bien. Libre avec les copains, le travail ou les mains sales. Je repense aux années 2000. Sur le rivage, mes potos sont qui parlent. Où sont des guitares, guitares, rappelle-toi. Radio Sud. Give me your, give me your.